Le représentant de la République populaire démocratique de Corée a fait son discours le 13 courant à la session du 4e comité politique spéciale et décolonisation de la 71e Assemblée générale de l'ONU pour le point de l'ordre du jour, la coopération internationale dans l'utilisation pacifique du cosmos. Il a dit notamment: les activités d'exploitation spatiale de la République populaire démocratique de Corée s'avèrent pacifiques d'un bout à l'autre et sont effectuées sous la conduite unifiée de l'État. La Direction d'État du développement cosmique de la République populaire démocratique de Corée a réussi à mettre sur orbite le satellite d'observation de la Terre Kwangmyong 104, nouvellement mis au point en février dernier, d'après le plan quinquennal national de développement cosmique. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a adhéré aux conventions et traités internationaux relatifs au cosmos. Nonobstant, les États-Unis prétendent absurdement que notre lancement de satellites contrevient aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant le lancement basé sur la technique de fusée balistique pour ainsi empêcher par tous les moyens le développement spatial juste de notre République. C'est vraiment absurde que les États-Unis, qui ont tiré le plus grand nombre de satellites de toutes sortes basés sur la technique de fusée balistique, sans parler des satellites espions et d'autres militaires, mettent en cause les activités cosmiques légitimes de notre République. Notre République accélérera à l'avenir aussi le développement cosmique à vocation pacifique et intensifiera encore plus la coopération et les échanges internationaux dans la science spatiale et le lancement de satellites.